Chapitre 14, ni exploitation ni mercantilisme, l'agape comme régulateur. Ce livret a principalement défendu le droit des musiciens à être rémunérés. Il serait incomplet sans une réflexion sur les limites de l'autre côté. Parce que si l'exploitation est une erreur, le mercantilisme pur en est une autre. La logique du corps ne peut pas être celle du marché. Si l'ecclésia authentique fonctionne comme un corps, alors les relations entre ses membres ne se réduisent pas à des transactions commerciales. Un corps dont chaque membre ne fait quelque chose qu'en échange d'un paiement immédiat n'est pas un corps, c'est un marché. La distinction ne se fait pas sur l'acte lui-même, mais sur la nature de la relation et sur l'équité globale de l'échange. L'agape comme principe régulateur. Le terme grec « agapé » désigne cet amour désintéressé, attentif à l'autre, qui ne cherche pas son propre bénéfice. 1 Corinthiens 13:5. C'est le régulateur naturel des relations dans l'ecclésia authentique. Quand l'agapé préside aux échanges, le musicien donne parfois sans compter. La communauté prend soin de lui. Et quand sa situation matérielle l'exige, la communauté honore sa contribution par une contrepartie concrète. Générosité, réciprocité et équité coexistent. Ce que l'agape ne tolère pas, c'est d'être convoqué par une institution uniquement dans le sens de l'exploitation. Une institution qui prêche l'agapé pour obtenir la gratuité de ses prestataires, tout en maintenant ses propres charges et émoluments institutionnels, ne pratique pas l'agapé. Elle en use. Leçon 14. L'équilibre juste n'est ni l'exploitation ni le mercantilisme. C'est l'agape, un amour attentif à la dignité, kabod, de chacun, où générosité, réciprocité et équité coexistent réellement. L'agape ne peut pas être invoquée à sens unique. Une communauté qui prêche l'agape pour obtenir la gratuité, tout en préservant ses propres intérêts institutionnels, ne pratique pas l'agapé. Elle en use.